Salut, bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts de Génération 80.be. Après avoir fait un parcours relativement complet des émissions année par année, il est temps de focaliser sur ce que je considère comme les plus belles réussites que l'on ait rencontrées dans cette période. Voici donc une nouvelle saison qui va se composer de quelques tops intéressants. Dans ce premier épisode, nous allons directement passer à ce qui a façonné de nombreux souvenirs chez les Cadras et les Quinquas, c'est-à-dire le top 10 des émissions jeunesse des années 70 et 80. Pour cadrer nos recherches, on prend les hypothèses suivantes. On ne parlera que des émissions ayant été présentes entre 75 et 88. Certaines émissions ont démarré avant 75, certaines ont continué après, mais on se limitera à des visions ayant eu lieu dans ce créneau. À la télévision belge, on parlera de la RTBF, même si à une époque c'était la RTB. Pour la chaîne d'origine luxembourgeoise, on parlera de RTL, même si à une époque c'était Télé Luxembourg puis RTL TVI. Pour les chaînes françaises, on parlera de TF1, Antenne 2 et FR3. On ne parlera donc pas de l'ORTF, nom préalable à ces trois chaînes, ou des nouvelles chaînes qui arrivèrent dans les années 80, comme la 5, M6 ou encore Canal+, car pour les Belges francophones, ce n'était alors que peu accessible. Enfin, je m'excuse déjà pour toute erreur ou imprécision dans les contenus. Ayant attendu trop longtemps pour lancer cette série de podcasts, ma mémoire ne me permet plus seule d'être certain de certaines informations, et dans certains cas, les supports concrets d'informations ont disparu. Donc j'ai fait pour un mieux selon mon feeling et avec les infos glanées de ci, de là. Allez, c'est parti, et on commence par un bon petit générique, et quoi de mieux qu'une ouverture des programmes de 79 sur TF1. Citons donc d'abord les 17 émissions que je ne mets pas dans mon top 10. Néanmoins, je n'y reviendrai pas, mais elles ont d'une manière ou d'une autre apporté bien des plaisirs à une génération de jeunes. Comme choisir, c'est renoncer, elles ne déméritent peut-être pas, mais ne rentreront pas dans mon top pour diverses raisons totalement subjectives. Parmi les non-reprises, il y a deux émissions de la RTBF, Feu Vert, qui aura lieu de 75 à 80, et Nouba Nouba, à partir de 85. On en trouve trois sur RTL, l'école buissonnière de 75 à 79, la bande à gros bots de 84 à 86 et la lucarne d'Amilcar de 87 à 88. Côté français, on a 9 émissions sur TF1. TF1 a bien fait des essais à une certaine période. Nous ne parlerons pas d'Assillon et sa bande de 78 à 80, Un rue Sésame de 78 à 82, Le village dans les nuages de 82 à 86, ni de Destination Noël de 82 à 86, de Mercredi Moitou 82 à 83, de Salut les petits loups de 85 à 87, ou encore de La vie des bottes 86 à 87, de Zap Zapper en 87, ni du Club Dorothée à partir de 87. Il ne rentre pas non plus dans mon top, mais principalement parce que pour moi c'est une émission de la génération 90, ou 90 pour les Français. Rappelons aussi deux émissions sur Antenne 2, Vacances animées de 75 à 77 et Dorothée et ses amis de 77 à 78. Enfin, on a FR3 qui proposa Amuse-3 à partir de 86 et le Disney Channel de 85 à 87 que nous n'aborderons pas. Passons donc aux choses sérieuses et à ce fameux top 10 des émissions jeunesse qui ont, selon mon avis, je le répète purement subjectif, apporté le plus pour les jeunes de la génération 80 de Belges francophones. On est donc parti pour le décompte des émissions les plus cultes selon Génération 80.be. On commence par le numéro 10. Une émission où on pouvait s'isoler du monde sur une belle île en mer. L'île aux enfants, sur TF1 de 1975 à 1982. L'île aux enfants est une émission quotidienne créée par Christophe Izard. Créée au départ comme une séquence française de 20 minutes dans la mise en place d'une version française de Sesame Street, elle deviendra une émission à part entière diffusée au départ en alternance avec Un rue Sésame. Cette émission télé du mercredi après-midi était tournée dans le studio 3 de Cognac-Jay, au milieu d'une ribambelle d'enfants. D'abord, uniquement en présence de Casimir, le monstre gentil. On verra au cours du temps l'arrivée de son cousin Hippolyte, un autre monstre vert, puis de Léonard le renard, ainsi que des personnages humains tels François et Julie. on retrouve sans le savoir Yves Brunier, qui est l'un des deux créateurs de Casimir et le marionnettiste qui l'animera depuis ses débuts dans L'île aux enfants. Dans l'émission, on retrouve des séquences telles que Gribouille, la Noiraude, la Linéa ou encore l'oiseau antivol ou des petites séquences avec divers personnages. Le générique, quant à lui, a été composé par Roger Pouli. Les paroles sont de Christophe Izard et est interprété par Anne Germain. Il y aura en tout 8 saisons et plus de 1000 épisodes. C'est une émission qui aura bien marqué les esprits et qui sera aussi à la base de plusieurs retours de nostalgie, dont les fameuses soirées Glooby Bulga Night du début des années 2000, dont le nom était basé sur la nourriture préférée de Casimir, le Glooby Bulga. Souvenons-nous donc du fameux générique, qui est dans toutes les mémoires, ainsi que du début de la Noiraude, pour prendre deux exemples de sons qui restent dans les oreilles. Allô, c'est la Noiraude. Je voudrais parler au vétérinaire. N'inquiétez pas, je vous le passe. Allô? Bonjour, docteur. La Noiraude à l'appareil. Bonjour, la Noiraude. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Ce n'est plus possible. Qu'est-ce qui n'est plus possible? Les mouches. Je n'ai plus un moment de répit. Je suis sur les nerfs en permanence. Enfin, la Noiraude, vous avez votre queue pour les chasser. Bien sûr, j'ai une queue. Mais pour chasser seulement celles qui sont derrière. Passons maintenant au... Numéro 9. Une émission dont le nom se suffisait à lui-même, aussi bien sur la chaîne que sur la cible. FR3 Jeunesse, sur FR3 de 1975 à 1986. FR3 Jeunesse est un bloc de programme pour la jeunesse, diffusé pendant 11 ans sur FR3. Dans son générique, on découvre Balthazar le mille-pattes dans une montgolfière qui en fera une image inoubliable. Ce générique a été composé par Francis Lay. Dans ce bloc, on va trouver de nombreuses séries d'animation de grande qualité. Il y a divers positionnements, les samedis ou les dimanches après-midi, ainsi que quelques créneaux en semaine. On notera particulièrement la diffusion d'épisodes complets des dessins animés, qui étaient diffusés par tranches de 5 minutes avant les jeux de 20h en semaine. Au début, on trouvait des dessins animés comme Aglaé et Sidonie, Cole Argol, Le Manège Enchanté ou encore Saturnin. Puis on a eu droit à Tom Sawyer, Booba, L'Oiseau Bleu, Super Bécane ou encore 11 pour une coupe, et bien d'autres. Il y aura aussi les célèbres Il était une fois l'homme, Il était une fois l'espace, Il était une fois la vie. Et enfin, citons bien évidemment le célèbre Ulysse 31 qui y avait trouvé place. Voici, en rappel, le générique de l'émission, suivi du premier générique d'Ulysse 31 et d'Il était une fois l'homme. XXIe siècle. C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le Cyclope et ainsi sauvé Télémaque, Thémis et Noumaïos que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Ulysse, le chemin de la terre est effacé de ma mémoire. Vivant, vous êtes vivant. Voici ensuite le... Numéro 8. Une émission qui nous apportait sa dose d'énergie hebdomadaire. Vitamine, sur TF1 de 1983 à 1987. Vitamine était une émission de télévision pour la jeunesse, produite par Christine Coutin et Cécile Roger-Machard. Elle était diffusée sur TF1 tous les mercredis après-midi de 13h30 à 17h, en essayant de tenir tête à Récréa 2 sur la chaîne concurrente. Le slogan de l'émission était « Vitamine, l'émission qui donne bonne mine ». L'émission fut animée par Mélanie, alias Christine Martin, Victor, alias Franck de la Personne, et Karen Cheryl. Puis vinrent Dominique Langlard ou le chanteur Billy. À la fin, ce fut même Jackie, transfert d'en face, qui assura la présentation. Entre deux dessins animés, les animateurs jouaient des sketchs afin de dynamiser l'émission, calquant ce qui se faisait dans l'émission concurrente Récréa 2. On y trouve des séquences comme les recettes de Lula, Pixie Folie ou encore Vitaboom. Les séries principales furent Bomber X, Ricky ou la Belle Vie ou encore Punky Brewster. Parmi les nombreux dessins animés qui passeront dans l'émission, on retrouvera entre autres les Jackson 5, Jem et les Hologrammes, le Défi des Gobos, les Mini-Pousses, Pole Position ou encore Sport Billy. Le générique était d'Antoine Lantieri et était chanté par Anne Lauric. Redécouvrons-le ainsi que ceux de la séquence de Lula et de Vitaboom. Ça ondule, ça gomine, t'as la clin d'œil qui tartine. Roule dans la paille, vitamine. Bute sous la bouse, vitamine. Sirop papaye, vila, vila, vila, vila, douce, vitamine. Bonheur pagaille, vitamine. Qui t'éclabousse, vitamine. Boulot bye-bye, tu mets, tu mets, tu mets les pouces, vitamine. Chatin blond, coquin, croquine, polivitesse et praline. Vénorme, trampoline, soleil, ping-pong, mandarine. Roule dans la paille, vitamine. Bulle sous la mousse, vitamine. Sirop papaye, vida, vida, vida, vidousse, vitamine. J'ai faim! Moi aussi, ça tombe bien. Pour manger les tartines, dévaster le frigo. Danser dans la cuisine, faire valser les gâteaux. Tenter des galipettes sur un air de mambo. C'est bon, c'est bon. C'est Lula la voisine, la diva qu'il vous faut. Un peu de ceci, un peu de cela. Regardez bien, c'est délicat. Un peu de céleri, un peu de soda. Les recettes de Lula, j'ai faim. Moi aussi, ça tombe bien. Vers toi, Billy danse. T'as un flash et tu l'aimes, l'aimes, l'aimes, l'aimes. Danse, danse, danse, fais rouler Lily. Elle est tombée croque de toi. Danse, danse, danse, fais rocker Billy. Il tombera croque dans tes bras. Danse, danse, danse, fais rouler Lily. Elle est tombée croque de toi. Danse, danse, danse, fais rocker Billy. Vient ensuite le... Numéro 7. Une émission qui nous aura quelque part appris les bases des cocktails sans alcool. Citron Grenadine, sur RTL de 1979 à 1984. Citron Grenadine était une émission de la télévision luxembourgeoise pour la jeunesse, créée par Jacques Hervé et Jean-Luc Bertrand. Elle était présentée par Marilène Bergman, Jean-Luc Bertrand, Michel Hetzel et Georges Lang, et diffusée chaque mercredi après-midi durant 2 heures, de 15h à 17h. Elle était réalisée à la Villa Louvigny par Gaston Zaimet. Autour d'un cocktail composé de citron et de grenadine, les enfants en plateau pouvaient applaudir des dessinateurs de BD, des clowns et des chanteurs. La fête était permanente en studio entre les séries et les dessins animés innovants, qu'on pouvait souvent retrouver également sur les chaînes françaises. Au début, on avait des dessins animés tels que Le Capitaine Caverne, Squiddy la pieuvre ou Alligator, ainsi que des séries telles que Zorro, et vers la fin, on trouva des séries comme Spectreman ou Xor, ainsi que des dessins animés tels que Les Misérables, Les Maîtres de l'Univers ou encore L'Oiseau Bleu. On relève deux génériques, dont le second fut le plus célèbre. Ce générique est chanté par Jean-Luc Bertrand et Marilène Bergman, et il est composé par Carlos Lerech sur des paroles d'André Bars. Écoutons-les, ainsi que celui de la série phare de la dernière saison, Xor. Thank you. taquine. Poussez les lunettes. Se rapproche à une marche du top 5 avec le numéro 6. Une émission qui nous poussait à nous lever tôt le matin. Chocolat chaud sur RTL de 1984 à 1989. Chocolat chaud est une émission de télévision luxembourgeoise pour la jeunesse créée par Michel Navadic, présentée par Kit Grass et Phil Barnet et diffusée chaque samedi et dimanche matin de 8h à 10h sur RTL Télévision de 84 à 87. L'émission devint exclusivement belge et se poursuivit chaque samedi et dimanche matin de 8h à 11h55. Le 18 septembre 87 sur RTL TVI. Elle était conçue et présentée par Anouchka Sikorski puis par Sabine Mathus. Promue responsable des émissions enfantines de RTL TVI en septembre 87, Anouchka Sikorski reprenait le concept de l'émission pour la nouvelle chaîne belge de la CLT qu'elle produisit et présenta chaque dimanche matin accompagnée d'Étienne et de sa marionnette Eugène. Chocolat Chaud proposait des dessins animés et des séries télévisées pour la jeunesse. Le partenariat entre la CLT et la Walt Disney Company permettait également à l'émission de diffuser des nombreux extraits de films d'animation Disney. Dans les séries remarquables, citons La Petite Maison dans la Prairie ou encore Expédition Adam 84. Au niveau des dessins animés, on a de très bons choix tels que Albator 84, L'Empire des 5, Les Maîtres de l'Univers, Les Trois Mousquetaires, Le Tour du Monde en 80 jours ou encore Jace et les Conquérants de la Lumière. Redécouvrons donc ces génériques ainsi que les séries qui m'ont le plus marqué lors de ce créneau du dimanche matin, Les Trois Mousquetaires et Opération Adam 84. Chocolat chaud. Bien. lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre comme les doigts de la main, et ça leur va bien. Nous voilà, et donc on commence logiquement avec le numéro 5. Une émission qui a duré bien longtemps et a occupé bien des périodes d'oisiveté. Croque Vacances, sur TF1 de 1980 à 1987. Croque Vacances était une émission française pour la jeunesse diffusée entre le 11 février 80 et le 5 septembre 87. Présentée par Claude Pierrard avec deux marionnettes en forme de lapin, Isidore et Clémentine. Plus tard apparaîtra le personnage d'Arsinoé le hérisson. Croque Vacances était une émission à destination des enfants, programmée durant les congés scolaires. Réalisé par Gérard Boulouis, le rendez-vous était un cocktail mêlant dessins animés, séries, reportages, par exemple des informations nature, variétés, c'est dans cette émission que Céline Dion fera sa première apparition télévisuelle, et rubriques, bricolage, cuisine. Pour l'accompagner entre les séquences, en plus des nombreux animaux ou personnalités, Claude Perra pouvait compter sur le lapin Isidore, la mascotte de l'émission, qui fut rejointe par son amie Clémentine à l'occasion des vacances de février 82. Quatre ans plus tard, un autre animal fait donc son apparition. Il s'agit du hérisson Arsinoé. Ce dernier est aux commandes de Crac Vacances, une rubrique qui permet aux enfants de faire leurs devoirs de vacances. Avec l'arrivée de Dorothée à la direction de l'unité des programmes jeunesse, AB Productions voulut imposer à Claude Pierrard le passage de deux chansons éditées sur leur label par émission. L'animateur refusa, et l'institution Croque Vacances ferma ses portes le 5 septembre 87. Vu la durée, il y a énormément de séries et de dessins animés qui y sont passés. Notons que séries et dessins animés qui y passaient étaient souvent des rediffusions d'autres émissions de la chaîne avec succès. Si on doit citer des dessins animés qui ont vraiment débuté dans l'émission, on peut citer Topsy et l'herbe musicale, Arthur, Dardar Motus ou encore Charlotte aux fraises. On trouvera deux génériques principaux, et le second sera composé par Joey Grassi et interprété par Claude Pierrard himself. Réécoutons-les ainsi que le fameux générique de Dardar Motus. Dynamique, Dardar Motus, la souris de l'air atomique, il va sourire. À une marche du podium, on trouve le... Numéro 4. Au pied du podium, on trouve en effet une émission de la RTBF qui a marqué une génération de jeunes Belges. Lollipop, sur la RTBF de 1980 à 1985. Lollipop était une émission de télévision de la RTBF pour enfants, produite par Pauline Hubert, réalisée par Pierre Badaud et animée par Philippe Queluc, le conteur Joël Smets et la marionnette Malvira. Patrick Chaboud donnait vie à Malvira, que l'on disait arrogante et médisante. On y voyait aussi les marionnettes Moka et Poulou et le chien de Philippe Queluc, Mimi. D'autres acteurs du Magic Land Théâtre, comme Alain Perpète, associé au rôle de méchant, jouaient les rôles secondaires dans les scénettes. L'émission recevait quelques invités, on y trouvait des reportages, des dessins animés, de petits feuilletons. Diffusée chaque mercredi après-midi et présentée par Philippe Queluc durant le premier semestre de 80, elle deviendra quotidienne pendant 4 saisons dans le cadre de l'émission Plein Jeu. Par son ton humoristique anticonformiste mordant voire absurde, l'émission connaît un succès important auprès des enfants et des adultes. Ce succès s'explique, selon les dires de Malvira, par le fait qu'on ne prenait pas les enfants pour des cons. Une version pour les tout-petits est diffusée le samedi après-midi et elle est intitulée Pitilipop, avec la diffusion de séries animées destinées à cet âge. Parce que ceux qui choisissaient les séquences internes avaient du flair, Lollipop a été entre autres la rampe de lancement de séries et de dessins animés qui allaient devenir cultes, comme Capitaine Flamme et Téléchat. On trouve également différents dessins animés tels que Bob et Petit Bob, Pumel, Le Capitaine Caverne, Roddy le Petit Site ou encore le feuilleton L'Enfance de Dominique. Citons aussi une série pour les amis des chiens, Le Vagabond. Le générique de Lollipop est une composition de Philippe Lafontaine chantée par Philippe Queluc lui-même. Écoutons ce générique ainsi que le célèbre Capitaine Flamme, qui débuta donc en première francophone, puis le fameux Téléchat et une de ses séquences célèbres, Légumane. Tête, cherche plus la petite bête, viens faire la fête avec nous. Les permis de façon, c'est pas comme à l'école. Alors les fois, alors les fois, si on s'amuse comme des fous, avec Mimi, Moka et Poulou. Si on s'amuse comme des fous, et de tout le reste on s'en fout. Ouais! La li la li la li la li la li. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. C'était les chats. les aider déjà. Chalut. Médaille de bronze, on trouve le... Numéro 3. Une émission qui nous rappelait quel jour de la semaine était le plus important. Les visiteurs du mercredi, sur TF1 de 1975 à 1982. Les visiteurs du mercredi était une émission de télévision française pour la jeunesse créée par Christophe Isard et diffusée tous les mercredis après-midi à partir de 13h30 en direct sur TF1 durant 4h30. Ceci du mercredi 8 janvier 75 jusqu'au 10 février 82. L'émission est célèbre pour avoir été la première du genre et celle qui a ouvert l'âge d'or des programmes pour la jeunesse. À la demande de Jean-Louis Guillot, directeur général de TF1, qui souhaitait consacrer aux enfants tout le mercredi après-midi, jour de repos des écoliers français, Christophe Isard, directeur des programmes jeunesse de l'époque, crée donc une émission qui se doit d'être à la fois divertissante, avec des dessins animés et des feuilletons, mais également instructive, avec des séquences consacrées aux animaux, aux variétés, au bricolage, au sport et à l'actualité. C'est ainsi que naît, le mercredi 8 janvier 75, les visiteurs du mercredi. Tournée en direct pendant plus de 5 heures d'affilée dans le studio 3 du 15 rue Cognac-G, cette émission innovante et inédite est un succès immédiat auprès des enfants. Le maître mot de l'émission et de Christophe Isard était « Il s'agit de distraire en apportant des connaissances et des notions essentielles à l'épanouissement de l'enfant ». L'émission est scindée en séquences, pour les 6-10 ans d'abord avec Dorothée, puis Soisy Corn et enfin Henri Dès. Tandis que pour les 10-15, on trouvera Claude Pierrard, puis Patrick Sabatier et enfin Marc Ménant à la présentation. C'est également là que l'on retrouvera la magie de Gersimor. On trouvera également des marionnettes à la coprésentation, principalement Brock et Schnock, puis Cibor et Bora et enfin les Poi Poi. On trouve également des séquences avec le conteur et chroniqueur animalier pour enfants, Jacques Trémolin. Au départ, on trouvera des dessins animés tels que Barbapapa, Hong Kong Foufou, Mister Magoo ou encore Scooby-Doo. Aussi des feuilletons tels que l'autobus à Impérial, Flipper ou Davy Crockett. Au niveau des séries cultes, c'est dans les visiteurs du mercredi que l'on découvrira Capitaine Flamme, pour la France, et La Bataille des Planètes, ceci au niveau des dessins animés, ou encore Le Club des Cinq et Prince Noir en ce qui concerne les séries. Pour l'émission, trois génériques seront réalisés avec des paroles de Christophe Isard et une musique de Roger Pouli. D'abord un générique en 75 interprété par Anne Germain, le même générique en 77 mais accompagné d'autres images, puis un générique en 79 interprété par Michel Vallier. Remettons donc nous en tête ces génériques d'émission ainsi que deux autres des plus marquants de l'époque, soit celui de Prince Noir pour les séries et de La Bataille des Planètes pour les dessins animés. Voilà que tout à coup le ciel est bleu, voilà que tout à coup on est joyeux. Ce sont les visiteurs du mercredi qui nous font voir la vie bien plus jolie. Nos livres et nos cahiers sont bien rangés, nos devoirs, nos leçons sont oubliés. Avec les visiteurs du mercredi, laissons de côté tous nos soucis. De l'Alaska jusqu'au Pérou, dans leur soucoupe, on va partout. Préparez-vous, venez avec nous. Le ciel est bleu, voilà que tout à coup on est joyeux. Ce sont les visiteurs du mercredi qui nous font voir la vie bien plus jolie. Nos livres et nos cahiers sont bien rangés, nos devoirs, nos leçons sont oubliés. Avec les visiteurs du mercredi, laissons de côté tous nos soucis. Parmi les étoiles, certains cherchent des amis, plus loin que la terre, au-delà de l'infini. L'amitié pourtant n'est pas aussi loin qu'on le dit, quand on se rencontre tous les mercredis, quand on se rencontre tous les mercredis. On est bien ensemble, c'est la belle vie, un moment de vacances, loin des soucis. On s'amuse, on chante, on réfléchit, c'est ça les visiteurs du mercredi. bataille des planètes. Le groupe d'intervention G. Princesse, Allumette, Tipo, Marc, Thierry. Le quartier général sous-marin Neptune, supervisé par un ordinateur de la 7e génération, 7 Zark 7. Il veille et il prévient dès que les galaxies ennemies esquissent une attaque contre la nôtre. Force G, ce sont ces cinq jeunes hyper doués qui protègent les planètes de notre galaxie. Toujours ensemble, unis comme les cinq doigts de la main. Incorruptibles, inséparables, invincibles. La médaille d'argent est bien évidemment le... Numéro 2. Cette émission n'était présente qu'une petite partie de l'année, mais quelle belle partie ce fut. Les visiteurs de Noël, sur TF1 de 1976 à 1982. Les Visiteurs de Noël est donc une émission pour la jeunesse de la télévision française créée en décembre 76 sur TF1 par Christophe Izard, directeur des programmes jeunesse de l'époque, et diffusée pendant les vacances scolaires de Noël tous les après-midi entre 13h30 et 15h30. Ceci en direct jusque 1982. Elle est une annexe de l'émission Les Visiteurs du Mercredi. Lancée au début de janvier 75 sur TF1, l'émission Les Visiteurs du Mercredi s'est transformée pour les fêtes de fin d'année en Visiteurs de Noël, ceci le mercredi 24 décembre, et en Visiteurs du Nouvel An le mercredi 31 décembre. Mais ce n'est que pour les fêtes de l'année suivante, en 76, qu'apparurent les Visiteurs de Noël au format quotidien. L'émission était diffusée du lundi au vendredi en début d'après-midi pendant toute la période des fêtes. Le plateau de l'émission se parait alors d'un décor féerique composé de sapins enneigés puis de chalets. Tout comme les Visiteurs du Mercredi, les Visiteurs de Noël a connu un immense succès auprès de la jeunesse. Les premiers animateurs furent Soizic Korn et Patrick Sabatier, accompagnés des marionnettes Brock et Schnock, qui officièrent pour les deux émissions spéciales de 75. Puis Pierre et Marc Jolivet animèrent l'émission de 76. A partir de 77, ils se déguisent en clowns Réchaud et Frigo. Et ils ont leur propre rubrique. Ils intervenaient tout au long de l'émission en faisant des blagues et des bêtises. Les autres animateurs ont été Claude Ruben en 76, Jean-Marie Sens en 78 et 79, Fabienne Thibault en 79 et 80, et Michel Fugain en 80. Johnny Montehay en 80 et Corinne Le Poulain en 81. Jacques Trémolin venait parler de personnages de Walt Disney. Tous étaient accompagnés des marionnettes Cibor et Bora, et parfois Léonard, le renard de l'île aux enfants. A partir de 80, les marionnettes Brock et Schnock sont revenues avec leur propre rubrique. Au départ, l'émission proposait des dessins animés trouvés dans les Visiteurs du Mercredi. Mais on y trouve aussi Maya l'abeille, Heidi, Mantalo, Puff le dragon magique, Charlotte aux fraises, ou mon préféré, Waldo Kitty. Côté série, il y avait par exemple le Club des 5, l'Autobus impérial, le Vagabond, ou encore le petit Lord Fauntleroy. Le générique sera quant à lui basé sur les paroles et musiques de Roger Pouly et Christophe Izard, dont l'interprétation fut confiée à Michel Vallier entre 75 et 79, puis Marie-Myriam de 80 à 82. Retrouvons donc ces génériques ainsi que les souvenirs cultes que furent Waldo Kitty comme dessin animé ou Le Club des 5 comme série. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle. Le petit Paul a trouvé une auto dans la cheminée. Pour les étrennes, Lise aura un berceau pour ses deux poupées. Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle. La vie sera belle. La vie Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines, c'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson. sapin dans les vitrines, de la neige sur les collines. C'est le temps des visiteurs de Noël. En décorant la maison, si vous chantez la chanson des visiteurs de Noël, la vie sera belle. I'm Waldo Kitty, a meek and mild kind of cat, but I'm a daring hero, and I like being that. When I see a friend in need, I want to be a friend indeed. I just pretend, and suddenly, I'm anyone I want to be, a courageous kind of cat. Kitty, strong and bold and kind and true, stopping evil villains, there's nothing he can't do. Danger calls like Tyrone's bark, or an enemy is near. I soon become a heroic cat, and troubles disappear. Oh, Waldo, what will we do without you? Et le grand vainqueur, vous l'aurez sans doute trouvé par élimination, c'est donc bien le numéro 1. Une émission qui représentait tout ce que l'on attendait après le retour de l'école. Récréa 2, sur Antenne 2 de 1978 à 1988. Récréa 2 est une émission de télévision française pour la jeunesse diffusée sur la chaîne Antenne 2 du 3 juillet 78 au 29 juin 88. Nommée directrice des programmes jeunesse d'Antenne 2 en 77, Jacqueline Joubert, ancienne speakerine, animatrice et productrice, crée donc Récréa 2. Qu'elle produit comme une émission ouverte sur le monde, divertissante et informatique. Il s'agit de l'émission jeunesse phare des années 80, dont la devise était « Apprendre en s'amusant ». Au départ, l'émission ne devait être qu'estivale. Le 3 juillet 78 est diffusée la première émission présentée par Dorothée, Gérard Chambre et Fabrice. Rencontrant un grand succès, l'émission est reconduite à la rentrée de septembre 78, ceci tous les jours de la semaine sur Antenne 2 pendant 10 ans. Récréa 2 était diffusée les lundis, mardis, jeudi et vendredi de 17h30 à 18h30. Puis de 17h à 18h le mercredi après-midi, de 15h à 17h le samedi, de 9h à 11h à partir de 86, et le dimanche entre 10h et 11h de 84 à 87. Durant les trois premières saisons, Dorothée n'est à l'antenne qu'une fois par semaine, le mercredi. Récréa 2 est décliné pour la première fois le matin lors des vacances scolaires d'avril 81 et présenté par Pierre Jacquemont et Isabelle Arignon. Une déclinaison estivale, Récréa Table, fut diffusée avant le journal de 13h d'Antenne 2 les samedis et dimanches en juillet et août 81. En avril 85, c'est la création de Récréa 2 Matin. D'abord présentée par Dorothée, cette émission est diffusée tous les mercredis matins en direct dans le studio de Télématin. En 86, Récréa 2 reçoit le 7 d'or de la meilleure émission pour la jeunesse. Récréa 2 est en concurrence dès ses débuts avec TF1, en face des visiteurs du mercredi de Christophe Isard et Croque Vacances à partir de 80. Après le départ précipité de Dorothée et François Corbier vers TF1 privatisé en septembre 87, l'émission est alors présentée par Marie Dauphin, Charlotte Caddy et Cabu. Attristée qu'on débauche son équipe, sa créatrice, Jacqueline Joubert, démissionne de l'unité des programmes jeunesse d'Antenne 2 et devient directrice des fictions pour la jeunesse de la chaîne jusqu'en 90. Récréa 2 fermera alors ses portes le 29 juin 88 et avec elle une certaine idée de la télévision pour enfants. Récréa 2 proposait aux jeunes téléspectateurs la diffusion de fictions et séries pour la jeunesse de toutes origines. Il y en aura de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Yougoslavie, d'États-Unis et bien sûr du Japon. Des dessins animés, mais aussi des reportages, Le Monde selon Georges, Mambo Satin, des séquences avec des comédiens, des chansons, Discopus, ainsi que diverses rubriques éducatives consacrées aux animaux, Terre des bêtes. Il y aura aussi des rubriques consacrées au dessin, à la lecture, avec bouquin, bouquine, la tu lu et lire, lis, ou lire, lire, lire. Également à la musique, avec Sido et Rémi, au théâtre, Jean qui rit, Jean qui pleure, à l'opéra, récréé à l'opéra. Également au bricolage, aux jeux vidéo, au cinéma, avec ça c'est du cinéma ou c'est chouette. Il y aura également des inventions, 3-2-1 contact, la bande dessinée avec la bande ABD ou flipbook, et la géographie, ton pays c'est quoi, et d'autres. L'émission diffusée en semaine est enregistrée et dure moins d'une heure. Elle enchaîne un ou deux dessins animés, une rubrique et se termine par la diffusion d'une série. L'émission du mercredi après-midi est diffusée en direct pendant 2 heures et enchaîne dessins animés, rubriques et séries qui sont entrecoupées de petites comédies jouées par toute l'équipe de Récréa 2 dans un décor qui change chaque semaine. À partir de 85, l'émission n'est plus en direct et enchaîne séries et clips entrecoupés de comédies ou dramatiques jouées par toute l'équipe de Récréa 2. Ces dernières finissent par devenir des séries à part entière avec leur propre générique diffusé à la suite des autres programmes de Récréa 2 à partir de 87. L'équipe de Récréa 2 a pas mal évolué au cours du temps, bien sûr toujours autour de sa présentatrice vedette Dorothée. Citons les plus célèbres comme William Lémergie, Patrick Simpson-Jones, Cabu, Ariane Carletti, Alain Chauffour, Jackie, François Corbier, Marie Dauphin ou Charlotte Caddy. Des intervenants récurrents participaient aussi à l'aventure comme Gérard Majax, Chantal Goya ou encore Henri Dess. Cabu, dessinateur à Charlie Hebdo, créé pour l'émission la célèbre caricature de Dorothée avec une queue de cheval et un long nez pointu et recourbé vers le haut. 10 années d'existence, c'est une tonne de dessins animés, de séquences d'émissions et de séries. Je vais donc citer celles qui sont le plus marquantes en ce qui me concerne. Au niveau des animations, on avait par exemple Les 4 Amis présentés par Fabrice et les marionnettes Pousse-Mousse, Belle-Belle et Toucan-Can, ou encore Télé-Tactica ou Télé-Chat. Pour les feuilletons et séries, il y aura San Kukai, Silas, Monsieur Merlin, ou encore Spectreman et Zora Larousse. Enfin, parmi les nombreux dessins animés, parce qu'il faut bien choisir, je citerai bien évidemment celui sans qui l'émission n'aurait sans doute jamais eu l'impact qu'elle a eu, c'est-à-dire Goldorak. Il y aura aussi Albator 78, puis Albator 84 qui seront cultes, Candy qui va permettre de suivre la vie complète d'une héroïne, ou Cobra qui va renouveler le genre de la science-fiction. On a aussi eu les mystérieux Cités d'Or qui atteindront un niveau de qualité et d'intérêt pédagogique rarement égalé à l'époque. Citons également les Mondes Engloutis qui amènera un renouvellement de l'animation française. Il y avait aussi la bande dessinée belge avec les Schtroumpfs qui seront présents, tout comme Tarzan, Watou Watou ou encore Tom Sawyer. J'en ai passé plein, mais ce n'est pas intéressant de simplement passer en revue tous ces superbes souvenirs sans autre forme de procès. Donc je vous conseille toujours de faire quelques recherches sur le net. Parlons néanmoins un peu d'audio. S'il faut parler des génériques de Récréa 2, il faut savoir qu'il y en avait 11. Si l'on doit en ressortir quelques-uns, citons l'instrumental du début, puis en 80 un premier générique qui en amènera d'autres, dont beaucoup chantés par Dorothée, c'est-à-dire Récréa 2 Amusons-nous, et en 82 enfin Récréa 2 Débarque. Retrouvons donc ces trois génériques. Et pour finir ces quelques rappels, on passera les génériques de deux têtes de gondole qui seront dans les souvenirs pour toujours. En effet, il y a Goldorak, Candy, et puis on ajoutera Monsieur Merlin dans les séries, et le premier Albator. Avec tout ceci, je pense qu'on a déjà une sacrée dose de cultissimes souvenirs. Eh oui, Récréa 2, c'est votre émission tous les jours pendant les vacances. Bon, vivre à Récréa 2, enfin Récréa 2.

Et voilà pour ce superbe top 10 d'émissions de notre jeunesse qui ont amené leur lot de souvenirs à ma génération. Sans vouloir jouer les vieux cons, il y avait plein de choses dans ces émissions que les générations qui ont suivi n'ont peut-être plus eu la chance d'avoir. Avant tout, la rareté. On peut être heureux d'avoir un accès facile à quasi tout actuellement, mais quand il fallait attendre un an pour retrouver un dessin animé que l'on adorait, ou simplement une semaine pour suivre les aventures de son héros préféré, cela donnait une autre saveur aux retrouvailles. En plus, le nombre limité de chaînes nous a permis de nous faire des souvenirs communs. Il y a des séries et émissions que nous avons tous regardées si nous avions la télévision. Finalement, les Belges francophones étaient encore les plus chanceux, ayant souvent une deuxième chance de revoir certaines séries du côté des chaînes luxembourgeoises ou belges. Je m'en voudrais d'ailleurs de ne pas citer l'impact de la chaîne luxembourgeoise RTL à l'époque, car si Récréa 2 est première de ce top, c'est sans doute aussi un peu car beaucoup des dessins animés et séries qui y sont associés m'ont marqué lors de leur diffusion sur RTL, souvent en dehors d'émissions spécifiques à la jeunesse. Ce fut le cas pour Goldorak, les mystérieuses cités d'or ou par exemple encore Tom Sawyer. Sinon, il y avait aussi quelque chose que nous connaissions, que les générations actuelles ne connaissent plus, et sur lequel nous allons nous quitter. C'était le générique de fin des programmes, car à l'époque, la nuit, on dormait. A bientôt donc, et on se quitte sur cette fermeture d'Antenne 2, qui passa de 75 à 83.